envoie-moi le sang. La belle est verte comme mon KX, mais quand il fume du 3X, en fumette mes doigts tout, sous les lunettes en Matrix. On va peut-être dans mon poste par PX, on voit la potion comme Astérix. Je lève la moto, je prends des risques, du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait le Sindhul sur la PX, Rapta ça finit dans des X. Y'a de la Tindhul dans la zone, Marseille jusqu'à Paris. Ils font la guerre pour des streams, moi j'sors un sans même pas le mix. J'pars un autre quand on me fixe, j'me fais des films comme dans Netflix. J'ai de l'espoir, la piscine, le soleil quand j'ouvre les stores. Faut que je m'en sorte, sans faire la superstar. En stress quand j'vois les flics, pourtant j'ai pas de glock. En pyjama la mise, je veux attacher avec les crocs. Sur PP j'ai l'âge de marier, j'ai plein de soucis sous le bob. Y'a la queue dans le globe, c'est la queue. Y'a deux gars qui sont sur un T-Max. Tout le bénéf sur Winamax. Ça espère la relax, on se voit déjà bleu en terrasse. 5K sur un T-Max, tout le bénéf sur Winamax. Ça espère la relax, on se voit déjà bleu en terrasse. La belle est verte comme mon KX, mais quand tu fumes du 3X, on fait mettre mes doigts tout sous les lunettes dans Matrix. On va on voit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques, du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait le Sindhul sur la PX, Rapta ça finit dans des X. Y'a de la team Dhul dans la zone, Marseille jusqu'à Paris. J'prends la guerre pour des streams, moi j'sors Vincent, même pas j'le mix. J'pars à nos cantons de vie. J'ai de l'espoir, la piscine, le soleil quand j'ouvre les stores. Faut que je m'en sorte, sans faire la superstar. Tout le monde, on fuit sur ces manants. Slash pas ça c'est les hommes, les mères qui pleurent ça c'est les armes. Me filme pas quand j'fais le monde. Ce qui te lâche pas ça c'est les hommes. Des mères qui pleurent ça c'est les hommes. Me filme pas quand je fais le monde. Au vélo quand je fais la c'est les hommes. Je job. Maman, papa, je job. J'arrête pas. Je job. Maman, papa, je job. Tout le monde. La belle est verte comme mon KX. En fumette mais j'vois tout. On va me faire dans mon passe par PX. On voit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques. Du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait le Sindhul sur la PX. Rapta ça finit dans des X. Y'a de la team Dhul dans la zone, Marseille jusqu'à Paris. J'prends la guerre pour des streams, moi j'sors un son, même pas le mix. J'pars à nos cantons, me fixe, j'me fais des films comme dans Netflix. Et merci bien TF1. Oh les gars. Et merci bien la team Dhul. Attends, attends, attends. Il sent. Il le top, hein. Le top. C'est trop chaud déjà.